Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la loi sur la protection du territoire agricole. Le problème, c'est, voyez-vous, les gens disent on est pour le principe de protéger les terres. Mais si la mesure protège vraiment les terres, on n'est plus trop pour. On est pour ou on est contre. C'est comme un peu, on dit, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Pour aller au ciel, il faut mourir. Jean Garon est ministre de l'Agriculture au moment où le gouvernement de René Lévesque adopte la loi sur la protection du territoire agricole en décembre 1978. La loi sur le zonage agricole, comme on disait à l'époque, c'est sa loi. Il y croit dur comme fer, il est prêt à tout pour qu'elle soit adoptée. Et même s'il sait très bien que cette loi-là dérange beaucoup de monde et va à l'encontre de très nombreux intérêts particuliers, pour lui, l'affaire est entendue. L'État a la responsabilité et même le devoir de protéger les meilleures terres cultivables du Québec, c'est une question d'intérêt commun et une nécessité sur le plan agroalimentaire. La loi sur la protection du territoire agricole sera adoptée le 21 décembre 1978. Cette loi fera partie des quelques lois adoptées par le premier gouvernement du Parti québécois qui vont passer à l'histoire. Pour finir de vendre à l'Assemblée nationale son projet de loi sur la protection des terres agricoles, le ministre Jean Garon s'est fait tour à tour professeur de droit et fermier, politicien et conteur. À la toute fin du débat, on aurait cru entendre, dans les années de la colonisation, le curé Labelle. Le bon Dieu qui disait « J'ai donné un talent, 5 talents ou 10 talents ». Il y avait celui qui les avait fait profiter, ces talents, il y avait celui qui les avait foutu dans le sol. Ben, prendre ces terres agricoles pour mettre de l'asphalte par-dessus, mettre des maisons par-dessus, les gaspiller, c'est un peu détruire ses talents. Et je pense qu'il y a une quantité limitée de sol au Québec. Et le devoir d'un gouvernement... Déjà, sous l'Union nationale, on avait pensé à protéger les bonnes terres. L'ancien gouvernement libéral avait promis de le faire lui aussi. Aujourd'hui, c'est fait. Le territoire ainsi protégé couvre 85 % des sols arables du Québec. La loi donne au gouvernement le pouvoir de mettre maintenant sur pied une commission provinciale de protection des terres. Cela sera fait au cours des prochains mois. Alors j'appelle maintenant le vote sur la motion de troisième lecture du projet de loi numéro 90, loi sur la protection du territoire agricole. Extrait d'un reportage de James Bambert au moment de l'adoption de la loi québécoise sur la protection du territoire agricole en décembre 1978 pour nous raconter la petite histoire de cette grande loi. Je reçois l'historien et politologue Jean-Charles Paneton, qui est aussi l'auteur des tomes 1 et 2 de l'ouvrage « Gouvernement Lévesque » publié aux éditions du Septentrion. Jean-Charles Paneton, bonjour. Bonjour. Pourquoi? Pourquoi cette loi-là? C'est une des lois importantes qui aura été adoptée depuis quoi, 50 ans au Québec? C'est une des premières lois qui réglementait, si vous voulez, le développement du territoire en voulant protéger la portion qui s'appelle terre agricole comme telle. Alors, il n'y avait pratiquement jamais eu aucune loi auparavant qui encadrait, réglementait, si vous voulez, l'aménagement du territoire. Et donc, on a tenté, on le mentionne, dans le passé, on a fait certaines tentatives, mais on n'a réussi depuis jamais. Depuis l'Union nationale, depuis Laurent Barré, qui était ministre de l'Agriculture dans le gouvernement Duplessis, effectivement, on avait tenté de le faire, mais on n'a pas réussi à le faire. Et c'est véritablement Jean Garon qui... Et c'est, en fait, c'est un engagement de René Lévesque pendant la campagne électorale de novembre 1976 qui l'avait dit. Et Garon, donc, a le feu vert pour mettre en place cette loi-là. Une loi importante parce qu'il y a une vision derrière cette loi-là. Puis il y a, vous me corrigerez, mais cette volonté de protéger une vision commune, l'intérêt commun, plutôt que des intérêts particuliers. C'est ça, cette loi-là. Absolument. Jean Garon disait, on a moins de 2 % de notre territoire qui sont constitués de terres cultivables. Moins de 2 % Et malheureusement, ce 2 %-là est situé dans la zone où habite tout le monde, où se trouvent les grandes villes, où se trouve Montréal, entre autres, dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, il était important, le problème était même criant parce que le développement des années 60 et 70, développement immobilier, industriel et tout, avait grugé bon nombre de terres arables. Et donc, il fallait agir rapidement. Et il y avait eu plusieurs études là-dessus, mais aucun des gouvernements, que ce soit unioniste ou libéral précédent, avait pu agir sur cette question-là. Et le Parti québécois, l'équipe de René Lévesque, va même faire de cette question. Ce sera donc une des lois importantes que son gouvernement va adopter. Mais avant ça, on décide, pourquoi on décide, comme équipe politique, en campagne électorale, de faire de la protection du territoire agricole une promesse électorale, un enjeu électoral? Oui, tout à fait. Bien, la question du patrimoine, du territoire, elle est fondamentale. Quand on défend un pays, on va défendre sa principale richesse, sa première richesse, qui est celle du territoire. L'évêque pense évidemment... à ça déjà, à son référendum à absolument. Venir. L'évêque pense à ça. L'évêque dit aussi, il l'a dit ouvertement, de manière transparente, il faut faire plaisir aux agriculteurs, oui. Parce qu'en vue du référendum, il ne faut pas l'oublier, on est dans un contexte pré-référendaire, bien sûr. Et donc, tout ça est dans sa tête, tout ça fait partie de sa vision de protection donc, du territoire. Et Garon aura donc l'appui unanime d'un premier ministre qui est derrière lui, alors que parfois, au sein du Conseil, ça, là, disons qu'il y a une certaine opposition de la part de certains ministres. Mais comment ça se présente, justement? Une fois qu'ils sont au pouvoir, comment s'amorce le débat autour de cette question du zonage agricole au Conseil des ministres? D'abord, il faut dire que Garon, c'est sa première année, il le dira lui-même dans son autobiographie, se passe pas très, très bien. D'abord, il hérite d'un ministère qui est assez vieux, vieilli, vieille structure et tout. Donc, il doit renouveler toute sa fonction publique avant même de s'attaquer à cette question-là, parce que c'est une question qui... C'est très vaste, la question de la protection du territoire agricole. On doit d'abord répertorier, dresser des cartes, etc. C'est immense, c'est colossal la tâche qu'on a à faire. Donc, il est prêt avec plusieurs petits problèmes, ce qui lui fait une première année assez difficile. Et lorsqu'il va arriver au Conseil des ministres en 77, il va se retrouver, par exemple, avec l'opposition d'un Marc-André Bédard qui trouve que la loi couvre l'ensemble du territoire alors qu'elle devrait seulement couvrir, par exemple, la région de Montréal où on retrouve plus particulièrement la problématique là, d'un développement qui déborde trop largement sur les terres agricoles. Mmh. Et on a un Jacques-Yvan Morin qui, lui, s'inquiète de son côté du fait de mettre en place une immense machine bureaucratique qui risque d'être trop lourde et trop coûteuse. Et donc, Garon doit déjà, si on veut, batailler ferme au sein même du Conseil des ministres. Il y a de la résistance. Il y a de la résistance. Ouais. Ça, c'est fascinant ce que vous nous dites. Je vous arrête là-dessus parce que je vous écoute. Cette résistance à l'interventionniste de l'État. Il y a des voix au cabinet qui disent ça va être trop de bureaucratie, c'est trop d'interventionnisme étatique. Ça me rappelle l'émission qu'on a faite ensemble, Jean-Charles Paneton, sur une autre loi importante du Parti québécois, la loi sur l'assurance automobile. Encore là, vous nous aviez parlé de cette forme de résistance à un trop grand pouvoir de l'État. On a encore aujourd'hui, pourtant, une image... On place ce gouvernement-là, ce premier gouvernement Lévesque, très à gauche sur le curseur, social-démocrate. Comment ça se fait que ça revient tout le temps, cette espèce de résistance? Ça nous dit quoi sur ce qu'était ce gouvernement? Ça nous dit qu'au sein du Conseil des ministres, Lévesque a constitué une vaste coalition, on l'a toujours dit. Et donc, au sein de ce gouvernement-là, il y a des centres-droits. On s'entend, on n'est pas dans l'extrême droite, mais il y a des centres-droits. Il y a des gens qui sont issus du fameux ralliement national, qui était plutôt à droite. On a des gens pratico-pratiques. On a des gens qui se méfient un peu d'un trop grand interventionnisme, de réformes trop importantes qui, justement, amèneraient une bureaucratie trop lourde. On a des Marc-André Bédard, on a même Jean Garon, on a même parfois Parizeau, même s'il a une grande vision, il a un esprit réformiste. Parizeau aussi, sur certaines questions, peut être un peu plus conservateur. Donc, on a une aile assez forte, assez fortement constituée et qui est plutôt centre-droit et qui amène justement des tiraillements au sein même du Conseil des ministres. Les grandes réformes sont assez difficiles, débattues assez difficilement au sein de ce Conseil des ministres-là. Et c'est souvent l'intervention de René Lévesque qui fait toute la différence. Ouais. Ces gens-là sont évidemment sont sujets aux mêmes pressions que les libéraux avant eux ou les unionistes. Les groupes d'intérêt sont les mêmes. On l'a vu dans le dossier de l'assurance automobile, les avocats, entre autres, les compagnies d'assurance. On va le voir. Et oui, tout à fait. C'est encore plus vrai quand on veut initier une réforme de cette ampleur-là, comme l'assurance automobile, comme la protection du territoire agricole. On est face à des groupes d'intérêt très puissants qui ne veulent pas nécessairement que les choses changent et qui ne veulent certainement pas, par exemple, que des territoires agricoles soient protégés. Ouais. Quand on pense à des promoteurs immobiliers privés, ça leur met des bâtons dans les roues et ils n'en veulent pas. Bon, tout de même, le projet de loi, il est déposé. On réussit à avoir un consensus au Conseil des ministres. Le 9 novembre 1978, Jean Garon dépose son projet de loi à l'Assemblée nationale. En gros, que prévoit cette fameuse loi? Bien, la loi prévoit que sur les terres agricoles, donc on protège d'abord le territoire agricole et on prévoit que sur les terres agricoles, on ne principalement, majoritairement, que des activités agricoles. Et donc, tout toute autre forme de développement ou d'industrie ou etc. n'est pas permis et devra faire l'objet, donc, devra être étudié d'abord avant de pouvoir l'autoriser sur le territoire agricole. Alors, c'est tout un changement. Ouais. Alors qu'on part d'une situation où on avait laissé faire à peu près n'importe quoi, on passe à une situation où maintenant, on ne tolérera maintenant que les activités agricoles et le territoire, donc, est protégé. L'intégrité même du territoire est assurée. Avec une commission qui est déjà annoncée. Avec une commission nationale, une commission qui est centralisée, donc, qui voit l'ensemble du territoire. Garon défendait beaucoup ça, lui, c'est-à-dire qu'il voulait pas nécessairement que ça soit régionalisé, la question. Il voulait une commission nationale parce qu'il avait eu des signaux de plusieurs maires de petites villes et villages qui lui disaient, nous, contre les promoteurs immobiliers, on n'a aucun pouvoir, on est impuissant. Et pour Garon, la seule solution à ça, c'est une véritable l'instauration donc d'une grande commission nationale de protection du territoire agricole. La zone protégée est assez grande. Là. Quand on revient à ce fameux 2% de terres cultivables, ce 2%-là, il est pas mal protégé. On va dire ça comme ça. Dans sa grande majorité, tout à fait. Ouais. Oui. Il y a évidemment la protection, le zonage agricole comme tel, mais Jean Garon, puis ce sera important parce que c'est une réforme costaude, une des raisons pour lesquelles cette réforme va aboutir, va se réaliser, c'est qu'il sait ce qu'il veut. Il a une vision très, très claire qui va bien au-delà de la question du zonage. Je propose de l'écouter. Un premier extrait à l'émission aux 20h, le 7 novembre 1978. Puis tout de suite après, autre extrait à l'émission Forum du 24 novembre 1978. Moi, je pense que la protection des terres agricoles puis l'aménagement, c'est deux choses différentes. Évidemment, moi, j'étais spéculateur. J'aimerais bien mieux qu'on fasse de l'aménagement. Parce que là, je pourrais peut-être bien tirer mon épingle du jeu plus facilement que si on fait de la protection des terres agricoles. Mais la protection des terres agricoles, essentiellement, c'est une mesure économique. C'est une mesure en vue de faire du développement économique. C'est pas une mesure essentiellement d'aménagement. Son but premier, évidemment, ça fait partie de l'aménagement du territoire, mais son but premier à la protection des territoires agricoles, c'est de faire du développement économique, de garder des sols qui ont une valeur pour l'agriculture, pour l'agriculture. Quand on parle d'autosuffisance, on ne veut pas dire qu'on va faire pousser au Québec tout ce qu'on consomme, mais plutôt qu'on va exporter autant qu'on importe comme objectif. Alors, on continuera sans doute à manger des bananes, des pamplemousses, des citrons, mais on vendra d'autres produits aux pays étrangers pour compenser ce qu'on importe d'eux. Et dans l'état actuel des choses, actuellement, il y a 7 pays dans le monde qui exportent plus de nourriture qu'ils en importent de façon régulière. Alors, si on regarde la population qui va augmenter de 50 % des terres de plus en plus déstructurées, des plus de routes, plus d'occupation du sol pour de l'habitation, alors si on ne protège pas les bons sols, non pas pour empêcher les habitations, mais de mettre les habitations dans des endroits où les sols ne sont pas bons, pour réserver les bonnes terres pour l'agriculture, à ce moment-là, il va y avoir une pénurie d'aliments dans le monde. Et ça, tous les experts prévoient que d'ici l'an 2000, ça va être un problème. C'est assez manifeste. Jean Garon a une vision très, très large, très claire de ce qu'il veut faire. On est bien, bien au-delà du simple zonage agricole, politique agricole, autosuffisance alimentaire. C'est ça qu'il a en tête avec cette loi-là, Jean-Charles Penneteau. Bien, tout à fait. La protection, il l'explique bien, la protection du territoire ne vise qu'à soutenir l'activité agricole en tant que telle. Et Garon va avoir une vision qui est très globale. Bien sûr, on parle d'autosuffisance alimentaire, mais il va raviver des secteurs qui était pratiquement inerte. La production, par contre, de céréales, par exemple, c'en est un exemple. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de secteurs comme ceux-là que Garon va soutenir et va revitaliser comme tel. Donc, ça fait partie de cette vaste vision-là, évidemment, d'autosuffisance alimentaire, bien sûr, mais d'activité, de soutenir l'activité agricole. Et d'ailleurs, l'appui qu'il obtient de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, vient directement de ça. C'est qu'on lui a demandé, on lui a dit oui à une loi qui protégera le territoire, mais il faut qu'elle soit doublée d'une politique qui soutienne l'activité agricole. Parce qu'au fond, puis c'est intéressant, on va tout de suite entendre le président de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles de l'époque, Paul Couture, qui va dans ce sens-là. Mais juste avant, rappelez quand même, on perd de vue, on a l'impression que c'est qu'évidemment, les agriculteurs vont tous être d'accord. Avec le recul, on se dit, ils vont tous être d'accord avec cette loi sur la protection du territoire agricole. Non, c'est vraiment pas gagné au tout début pour Jean Garon. Écoutez bien Louis Martin qui interview Paul Couture. Vous allez comprendre un petit peu le chemin que font les agriculteurs pour finalement, et ce sera important, appuyer Jean Garon. Vous dites, en somme, aux cultivateurs, vous ne disposerez plus de votre propriété, comme vous l'entendez. C'est un principe là, qui est pas mal dur. Monsieur Couture, vous acceptez ça, vous, ce principe? Bon, au nom des producteurs agricoles, vous dites, on accepte ça. Les producteurs agricoles ont réfléchi ce problème-là. Puis ont réfléchi cette approche. Mais l'option qu'ils ont faite, on dit, on est d'accord avec le zonage, à condition qu'on s'associe à une politique de développement de l'agriculture. Et on est conscient que ça lèse les agriculteurs de certains privilèges. Mais on y met une condition, et c'est la seule condition qu'on y met, qu'on amène des programmes en même temps, des politiques de développement de l'agriculture. Et je pense qu'il ne faudra pas que les agriculteurs soient leurrés là-dessus. C'est pas seulement avec la loi de taxation, c'est l'ensemble des politiques dans une optique de développement. Parce que... Le zonage tout seul, dans votre esprit, à vous autres, à l'UPA, ça suffit pas. Là. Il faut une politique de développement de l'agriculture. Parce qu'on va rien chercher dans seulement avec le zonage. Ça règle certains problèmes de planification de développement. Mais notre sécurité à nous autres, on dit l'option de développer, de zoner les terres, faut que ça soit associé à une politique de développement. OK, on y reviendra plus tard. Si Jean Garon a une vision claire de ce qu'il veut faire, Paul Couture a aussi une vision assez claire, plus large que le simple zonage. Il voit ce que ça peut donner, cette loi-là et la vision de Jean Garon. C'était vraiment pas gagné d'avance. Hein. Il y a des agriculteurs qui étaient inquiets, qui étaient très contre au début cette politique-là. Il y avait beaucoup d'agriculteurs qui étaient contre, et avec raison, parce qu'on les dépossédait d'une partie de leur titre de propriété, finalement. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus faire ce qu'ils voulaient. Et pour beaucoup d'agriculteurs... Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Là. La loi veut éliminer la spéculation foncière. Mais voilà, alors pour les agriculteurs de la région de Montréal, qui, eux, rêvaient de vendre, des agriculteurs souvent en fin de carrière, disons, à gros prix. Qui voulaient vendre à gros prix leurs terres, bien là, ils se voient carrément empêchés de le faire par cette fameuse loi-là. Donc oui, ça crée beaucoup, beaucoup d'insatisfaction et même de colère dans certains cas chez certains agriculteurs. Vous savez, Paul Couture, le président donc de l'Union des producteurs agricoles, a été très, très courageux à ce moment-là. Et Garon le dit dans son autobiographie, il dit « On doit une fière chandelle à tous, collectivement, à Paul Couture de s'être tenu debout parce que sans lui, ça aurait été très difficile de le faire. » Et c'est un pari. Et c'est un pari, absolument, tout à fait. Oui, il fait confiance à Garon. Et ça va marcher, finalement, et ça va bien se faire. Il faut dire que Garon va aller sur le terrain, va faire une grande tournée, va aller à la rencontre de tous les agriculteurs. Garon était très particulier parce qu'il avait toujours sa paire de bottes d'eau dans son coffre de voiture, dans la limousine, et souvent, il disait à son chauffeur... Tu passes par les petits rangs parce que moi, je veux parler aux agriculteurs. Et là, ils enfilaient ses bottes et là, ils allaient dans le champ et là, ils rencontrent des agriculteurs. C'est un ministre qui était très proche des agriculteurs. Et donc, cette personnalité-là a beaucoup aidé à faire passer, évidemment, ce projet de loi-là. Et qui a adoré. Il a écrit une biographie beaucoup plus tard, une autobiographie. Absolument. Mais qui a adoré. Qu'il faut lire, qui est très intéressant, d'ailleurs. Ouais. Le monde municipal, si on se déplace un petit peu vers les décideurs politiques au panier municipal, les promoteurs, ces jeux de pression. Comment réagit le monde municipal à ce projet de loi-là? Bien, le monde municipal aurait, je pense, voulu et aurait voulu que, en fait, que toute la question de la protection du territoire agricole fasse partie d'une loi plus globale qui était la loi d'aménagement et d'urbanisme comme telle, où là, ils auraient pu avoir un certain contrôle sur la zone agricole. Mais Garon va s'obstiner et va vouloir que cette loi-là de protection du territoire agricole soit contrôlée par la fameuse commission de protection du territoire agricole, une commission nationale, comme on l'a dit. Donc, ils sont déçus, évidemment. Le milieu urbain veut se développer et les promoteurs privés aussi, promoteurs immobiliers privés aussi, veulent acheter des terrains pour pouvoir construire. Et donc, la loi leur met tout un bâton dans les roues. Là. Vous parlez de cette flexibilité qu'aurait voulu le monde municipal avec une loi qui soit plus du côté de l'aménagement du territoire. Il y en aura une. Puis ça nous amène à... C'est assez cynique, mais un des principaux adversaires qu'aura Jean Garon sur sa route, c'est son collègue à l'aménagement. Jacques Léonard. Oui, oui, oui. Ils ont eu... Ça va jouer au Conseil des ministres aussi. Ultimement, on y revient. Tout à fait, tout à fait. En fait, Garon va prendre de court, de vitesse, le Jacques Léonard, qui commençait déjà au début 77, donc début de l'année, à préparer sa loi d'aménagement et d'urbanisme, la LAU, qui existe encore aujourd'hui. Pour lui, il est hors de question que sa loi soit subordonnée à la LAU. Et donc, il va travailler très, très fort et il va... Il sait qu'il y a des réticences aussi au niveau du Conseil des ministres. Il va appliquer, moi, ce que j'appelle la méthode Lévesque, ce que Lévesque avait fait avec la nationalisation de l'électricité, c'est-à-dire d'aller convaincre les gens d'abord, les groupes d'intérêt, les nationalistes, etc., partout dans la société civile, et ensuite de revenir au Conseil des ministres fort de cet appui-là. Et aussi, ce qu'il a dans son jeu, une carte, c'est qu'il a l'appui de René Lévesque, ouais. L'appui unanime, et il a aussi celui de Jacques Parizeau, qui est le numéro 2 du gouvernement. Donc, ce n'est pas rien. La LAU, on la trouve, celle... La loi que Jacques Léonard va concocter, on la trouve compliquée. C'est que cette loi-là est d'une approche complètement différente de la loi de protection du territoire agricole. C'est une loi qui veut décentraliser le pouvoir, qui veut établir des régions plus fortes. Mm-hmm. Et donc, ce sont deux lois qui ne se parlent pas. Mais en bout de ligne, en bout de piste, Garon va coiffer Léonard et va s'assurer que la loi de protection du territoire agricole n'est pas soumise à l'autre, à la LAU. Et elle sera adoptée, donc, cette fameuse loi sur la protection du territoire agricole le 21 décembre 1978. Malgré, il faut le dire, un petit mot là-dessus, mais de vives critiques du côté des partis d'opposition. On n'est pas d'accord avec cette loi-là. Bien, ils ont fait leur travail. Dans certains cas, ça débordait dans tous les sens. Certains ont même parlé de communisme. Là. On se rappelle des bonnes années de l'Union nationale. On utilisait souvent cet argument-là. Mais somme toute, il n'y avait rien de très, très sérieux. Et ce qu'il faut dire, en fin de compte, c'est que l'ancien ministre Victor Goldblum, l'ancien ministre libéral, dira par la suite « Garon a été extraordinaire, il était très courageux, il a réussi là où nous avons échoué ». Donc, somme toute, c'est tout un travail qu'a effectué Jean Garon là-dessus. Avec le recul, quel bilan faire de cette loi sur la protection du territoire agricole? Je vous propose d'écouter un extrait d'un reportage de Frédéric Nicoloff à l'émission Des Hôtels en avril 2009. Vous allez y entendre Jean Garon et Jacques Proulx. On est à peu près à la même situation qu'on était en 1976 actuellement. Si le premier ministre n'y croit pas, c'est clair qu'à ce moment-là, le zonage agricole peut pas fonctionner parce qu'il y a trop de ministères qui vont se sentir libres de prendre le maximum de terre pour d'autres fins que l'agriculture. C'est sûr que ça a apporté un bienfait, ça a amélioré les choses, ça a diminué cette spéculation-là. À l'époque, Jacques Proulx, le fondateur de Solidarité Rurale, était déjà membre de l'exécutif de l'Union des producteurs agricoles. Mais malheureusement, ça n'a pas donné tous les résultats qu'on devait espérer, particulièrement dans cette bande importante qui est la plaine du Saint-Laurent. Avec le recul, Jean-Charles Panton, qu'a réglé et que n'a pas réglé cette fameuse loi sur la protection du territoire agricole? Je pense que, comme première loi, véritable loi de cette ampleur-là, ça a tout de même protégé sur une vaste échelle en tant que telle les terres agricoles. Ça, il faut le dire quand même. Il y a un principe qui a été posé. C'est un principe qui a été posé. Et encore aujourd'hui, les gens sont conscients de l'importance au Québec de protéger les terres agricoles. Maintenant, est-ce que les gouvernements successifs ont affaibli la loi? La réponse, c'est oui, malheureusement, on a affaibli par toutes sortes de modifications à la loi. C'est cette loi-là qu'avait votée en 78 le gouvernement Lévesque. Mais il en demeure de très, très bons acquis. Et encore aujourd'hui, comme c'était le cas à l'époque, la pression, elle est immense dans les zones comme la région de Montréal pour qu'on développe des terres, qu'on développe sur des terres agricoles comme telles. Les promoteurs immobiliers veulent évidemment toujours dézoner comme telles des terres, mais les mentalités ont évolué, les mentalités ont changé et peut-être qu'il faudra à l'avenir peut-être un petit tour de vis de plus pour remettre cette loi-là dans sa perspective d'origine, mais on a quand même tout de même fait tout un chemin. Jean-Charles Panton, historien, politologue, auteur de l'ouvrage « Gouvernement Lévesque », merci beaucoup de votre participation à l'émission. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.